gen se ti prèm yo tou piti. Mwen san maman e mwen san papa. Mwen pa gen se ti prèm yo tou piti. Si malchans pou mwen vin tombe malade. Mes amis sa ki pou kote msekou. Si malchans pou mwen mwen vin tombe malade. Mes amis sa ki pou kote msekou. Menaj mwen kite mzami myo la chem. Mwen sans affection di mwen sa pou mpe. Menaj mwen kite mzami myo la chem. Mwen sans affection di mwen sa pou mpe. Se yon sol bagay bon dieu mta souhaite. Yon jou pou mwen ta va ouè maman mwen. Se yon sol bagay bon dieu mta souhaite. Yon jou pou mwen ta va ouè maman mwen. Ofele, ofele. Yo di mwen genyen purgatoire. Mwen ta remen konnen kote yo ye. Ofele, ofele. Ki pa gen fami. Bon papa pran courage. Bon Dieu si bon la soulage pe. Pa pran courage. Bon Dieu si bon la soulage peine nous. Ofele, ofele. Ki pa gen fami. Pa pran courage. Bon Dieu si bon la soulage peine nous.